Hello and welcome et bonjour dans cette émission La Croisière Folk, une émission qui a comme but de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Et vous savez quoi, en préparant l'émission ce matin, je me suis rendu compte que bientôt on fêtera le 5e anniversaire. Au début, on n'était pas diffusé en radio. Si vous tapez sur Mixcloud, vous verrez que les 4 premières émissions sont sur Mixcloud. Donc, si vous avez envie de voir un petit peu comment ça a changé l'émission, eh bien, n'hésitez pas à explorer Mixcloud après, bien sûr, avoir écouté cette 256e édition. On a démarré avec Martim Pochino et la chanson After Dark. C'est encore un des artistes qui s'est produit pour cette chaîne YouTube, The Narrowboat Session, où on voit les artistes qui chantent dans un bateau. Ça va bien avec la croisière folk. Martim Pochino est né au Portugal. Il s'installe au Royaume-Uni à l'âge de 18 ans. Il passe ses journées à travailler dans les ateliers de musique avec des personnes défavorisées, mais le week-end et parfois le soir, il donne des concerts. Sa première chanson, eh bien, on vient de l'écouter, After Dark. Il la dédie à Bepa March, une personne qu'il apprécie vraiment. Et puis, sa page Facebook s'appelle Martim Pochino, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Et on va poursuivre avec Alexandre Swaard, J'aime la vie. Mais attention, J'aime la vie, c'est une balade smooth qui invite les auditeurs à rêver en couleur malgré le côté sombre que porte parfois la vie. Il y aura juste après The Cider House Rebellion avec Molly Donnery, The Town of Ballybay, et puis Mark Stoffel, Frost on the Pretzel. J'espère que tout va bien. Si vous voulez voir cette vidéo de Martim Pochino qu'on vient de diffuser en début d'émission, eh bien vous allez sur notre page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. Et puis, si vous voulez faire comme pas mal d'artistes le font, m'écrire pour proposer leur morceau, eh bien, lacroisierefolk@yahoo.com. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Jour après jour, nuit après nuit, un peu d'amour, j'aime la vie. Jour après jour, nuit après nuit, un peu d'amour. Les reliques de la mort sont éternelles, arythmiques et ponctuelles. Sur le chemin houleux et brumeux du désespoir éternel, j'envisage de passer de l'occulte à la dure réalité, sur un chemin parsemé d'embûches et de dualités. C'est le lifestyle j'ai choisi. Je me suis noyé dans les coudures de la douce réalité. Je me suis noyé puis je l'ai pris dur. J'aime la vie, jour après jour, nuit après nuit, un peu d'amour. J'aime la vie, jour après jour, nuit après nuit, un peu d'amour. La croisière folk. What a wonderful world. In the town of Bali Bay, there was a lassie dwelling. I knew her very well, and her stories were the telling. Her father kept a still, and he was a good distiller. But when she took to drink, well, the devil wouldn't fill her. With a ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, back for all the daddy-o. Well, she had a wooden leg that was hollow down the middle. She used to tie a string on it and play it like a fiddle. She fiddled in the hall and she fiddled in the alleyway. She didn't give a damn, she had to fiddle anyway. A ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack for the daddy-o. She couldn't dance unless she had her wellies on. But when she had them on, she could dance as well as anyone. She wouldn't go to bed unless she had her shimmy on. But when she had it on, she'd go to bed with anyone. A ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack for the daddy-o. By the score, every Tom and Dick and Harry. She was courted day and night, but still she wouldn't marry. Until she fell in love with a fellow with the stammer. He tried to run away as she hit him with the hammer. With the ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack for the daddy-o. She had children up the stairs, she had children by the byre, another 10 or 12 just a-roaring by the fire. She fed them on potatoes and on soup she made from nettles, and on lumps of hairy bacon that she boiled up in the kettle. With a ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack for the daddy-o. Husband died, and he died so very sudden. And when her husband died, she was feeling very sorry. So she rolled him in a bag and she threw him in the quarry. With a ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack for the daddy-o. A ring-a-ding-a-dong, a ring-a-ding-a-daddy-o, a ring-a-ding-a-dong, whack. l'instant, dans la croisière folk, c'était Mark Stoffel avec Frost on the Pretzel. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rien ne me fait plus plaisir lorsque je me connecte sur la page Facebook de la radio, donc la croisière folk de l'émission, de découvrir un artiste qui m'a écrit pour me dire voilà, on est un groupe de folk et on aimerait bien être diffusé dans l'émission. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'un des membres du groupe Choupe Siwen. J'espère que je prononce correctement. Et c'est la première fois que je reçois un groupe qui nous vient du Grand-Duché de Luxembourg. Alors, ils ont un album qui va sortir début septembre, qui s'appelle Vers la liberté, Richtung Freiheit. J'espère que je prononce correctement. Hein. Et donc, ce groupe est formé en 2009 par un trio de musiciens visionnaires. Choupe Siwen, eh bien, s'est lancé dans un périple électrisant, captivant les publics à travers l'Europe en faisant même des vagues de l'autre côté de l'Atlantique avec une performance mémorable aux États-Unis. Aujourd'hui, le groupe compte 10 membres talentueux. 4 trompettistes, un flûtiste, un accordéoniste, un bassiste, un batteur, une violoniste et chanteuse dynamique et un guitariste dont la présence scénique est aussi électrisante que ses riffs incendiaires. Choupe Siwen puise son inspiration d'une myriade d'influences allant du folk au punk, en passant par le classique, le hip-hop, le rock, le reggae et le ska. Leur musique transcende les frontières et défie toute catégorisation, offrant une expérience sonore sans pareil. Imaginez un concert où le mosh pit se transforme soudainement en une danse folk. Oui, c'est possible avec ce groupe, ce qui ne montre d'ailleurs aucun signe de ralentissement. Leur nouvel album qui est prévu pour septembre, et il y a aussi une tournée attendue en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg en 2025. Grâce à cette tournée, eh bien, l'avenir s'annonce plus radieux que jamais pour cet ensemble révolutionnaire. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez sur leur site internet. Je vous le dis parce que ça se prononce pas de la même façon que ça s'écrit. www.schedepesiwen.com. Et de ce groupe, donc Choupe Siwen, on écoutera Au moment d'un rêve, la seule chanson en français de l'album. Ensuite, Hop, Lecht et Danzen. J'espère que vous allez apprécier. Vous écoutez la croisière folk et croyez-moi, vous avez bien raison. 就除非了 Zeigt mir die ich gefeiert hun, von ums Wurst kein, wohin et geht. Et war just klar, mir bleiben drun. Du noch groß bühn, tut mir gar geklung, weil dir hat alle Römer durchs Bad gesungen. Berlin, Montpellier en Orvin, für jeden Moment das nächste weit. Bis sechs am VIP, gefeiert wie noch nie, mal dir schon mir die geilsten Zeit. An ich empfang, stieh mir im Programm, da gib mir mal dich Gase nach dem Fan. Sich begegnen, der Reich das ganz egal. Die ganze Welt dreht, mein Körper nächst das, den Ofen das noch lang. Du guckst mich an, ich hab dich, warst du halt noch frei. Schon, ich boxe tanzen, tanzen auf der Beat. Schon, ich boxe tanzen, alles hält so lieb. Zeit, das alles wehend haben, ich meine Schritt nur vier. Mul eit auf eit, haut was du bei mir, Mom, der Körper fällst du mir. Du guckst mich an, ich hab dich, was du machst, bei. Schon, ich boxe tanzen, tanzen auf der Beat. Schon, ich boxe tanzen. Yeah. C'est un groupe qui vient du Grand-Duché de Luxembourg que nous avons découvert aujourd'hui dans 1, 2, 3. Il s'appelle Schöpe Siwen et Richtung Freiheit, donc c'est Vers la Liberté, leur album qui sortira en septembre, qu'on découvre en exclusivité. Et avec ces trois morceaux, Au moment d'un rêve, Oplecht et Danzen. Et puis je vous signale que j'ai posté une vidéo du groupe sur la page Facebook, La Croisière Folk, donc n'hésitez pas à aller voir le groupe. Et puis il y a aussi un lien vers un article, donc si vous voulez en savoir plus et aussi aller vers leur site, comme ça vous pourrez déjà commander et acheter leur album qui sortira en septembre et qu'on vous propose en exclu, eh bien n'hésitez pas à le faire. Tout de suite, eh bien voici la Minute Astuce. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie ? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et dans la Minute Astuce aujourd'hui, on vous dit comment conserver le persil frais. Alors, vous coupez quelques millimètres des tiges et vous plongez le bouquet dans un verre d'eau. Recouvrez ensuite d'un petit sac en plastique maintenu autour du verre par un élastique entreposé au réfrigérateur. Le persil restera croquant et frais pour plusieurs jours. Pour les fanatiques de la congélation, il est aussi possible de hacher menu le persil puis de le mettre dans un sac de congélation. Dans ce cas, eh bien, le persil se conservera durant une période qui va de 6 à 8 mois. Donc ça se conserve quand même pas mal. Allez, tout de suite, voici The Tree Cultural avec Gaspé Coast. Alors The Tree Cultural, c'est une union d'artistes anglophones, francophones et micmac en un seul groupe musical dont la motivation est de faire rayonner la Gaspésie en faisant fi des différences de culture et de langue. Gaspé Coast, c'est le désir de retourner aux racines, de quitter la grande ville et de retourner en Gaspésie pour de bon, que ces paysages, son air salin et ces gens accueillants deviennent le quotidien. Ensuite, Guillaume Arsenault, Au-delà du Grand Bleu, et The Plate Scrapers avec Shepherd's Ford. Bienvenue, c'est La Croisière Folk que vous écoutez. Et vous avez bien raison d'être la là. La Croisière Folk. En route, vers de nouvelles aventures. Moi j'aime la croisière folk. À votre droite, la statue de la liberté, la tour Eiffel et Big Ben. À votre gauche, l'atomium, la cathédrale de Cologne et la gare de Perpignan. En face de vous, les chalets suisses, la place rouge, la tour penchée de Pise. Un peu plus loin, le métro de Tokyo et la grande muraille du Chili. Derrière vous, la Vénus de Milo et les jardins suspendus de Babylone. La croisière folk. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. C'est absolument génial et fantasmagorique. Had enough of the city vibe. Too many people, too many lights. I need some fresh air to breathe. See the stars and feel the breeze. Pack my stuff in my little red Jeep. Leave a note on my neighbor's front door, saying I'm gone but I don't know how many weeks I'll go. Turn the radio on vacation FM. Driving all night long, a large coffee in my hand. Gaspé Coast, I'm coming home. Je reviens, my Gaspésie. Turn the radio on vacation FM. Driving all night long, a large coffee in my hand. Gaspé Coast, I'm coming home. Je reviens à Gaspésie. Summer breeze blowing in my face. I wanna feel the heat brushing through my veins. The coast has never been prettier. In the sand, I feel better. Why did it coffee in my hand, just because I'm coming home. Je reviens à Gaspésie. Turn the radio on vacation. If I'm driving on that long watch, coffee in my hand, just because I'm coming home. Je reviens à Gaspésie. If I'm driving on my long large coffee in my hand, guess because I'm coming home. Je reviens à Gaspésie. Turn the radio on vacation. If I'm driving on my long large coffee in my hand, guess because I'm coming home. Je reviens à Gaspésie. Des images du bonheur, boire à la fontaine et laisser la vie couler. Faire tourner des violons au vertige de nos têtes lorsque les vagues de nos corps s'abandonnent, frôler du bout des doigts, les toucher, les courroies, nos bras, nos respirations en accordéon, dans les yeux, l'océan. Dans les mains, le présent peindre avec des mots, devenir paysage. Quand les chansons allument un feu sur la plage. Dans le cou du velours, sur la peau des tambours, au-dessus les oiseaux, sous nos pieds le ruisseau, sans témoin de nous deux, propageront notre amour. Seront amoureux au-delà du grand bleu. De la poésie, vous le savez, dans cette émission, il y en a chaque fois. Et puisque nous sommes à l'anniversaire de la naissance de Maurice Carême, qui est un poète belge, et on vous diffuse donc un poème de Maurice Carême qui est lu par l'auteur. Aujourd'hui, c'est Destin. Alors, Destin, contenu dans le recueil La Lanterne Magique, publié en 1947. Ce recueil, d'ailleurs, est un exemple typique de l'œuvre de Maurice Carême, où il explore des thèmes universels avec une apparente simplicité et une grande musicalité. Ce poème « Destin », avec sa forme concise et ses images évocatrices, capture l'idée du destin comme un chemin inexorable et mystérieux, marqué par des moments de changement subtil et des souvenirs. Carême utilise des métaphores simples mais puissantes pour évoquer la marche du destin et les moments clés de sa vie. Et côté musique, juste après, Erin H. Sullivan avec Baltimore, Noah Zakarin, Something Like a River, et puis Kathy Fink et Marcy Maxer avec Chao Tiang, High on a Mountain. Et cet extrait de leur album From China to Appalachia, un album qui sortira le 16 août, un album qui mélange à la fois des artistes américains et puis également Chao Tian, cette artiste de folk chinoise. C'est un morceau également, c'est aussi un album qu'on découvrira bientôt et que je vous suggère, From China to Appalachia. Destin, inutile de te presser, il s'est levé bien avant toi, bien avant l'aube et la rosée, celui qui dessine les pas où tes pas viendront se poser. Que tu sois gueux, que tu sois roi, personne ne peut l'empêcher de marquer d'invisibles pas la route où tu voudras marcher. Tu mettras tes pas dans ses pas, et seul Jésus, dans son amour, se leva de si grand matin que c'est le destin à son tour qui posa ses pas dans les siens. She says that Baltimore water tastes sweetest. She should know with all the journeys she's had. Well, the taps in New York poured it spicy and dark, but the atmosphere wasn't half bad. In San Francisco it shimmered like sunlight, and in Boston it froze into glass. With an unnerving neck of reflecting her back, with a question too loaded to ask. Ooh, hold my. Slow might be smartest. She should know with all the lives that she's lived. For the souls in a heart, she'll just wear down their guard and hope they'll forget and forgive. 'Cause it's the loved ones that take it the hardest. When the actors stop reading their lines, when there's a twist in the plot, whether they like it or not, all along they've been seeing the signs. Guard the door. to go against the current. Trust the steel in her arms and row, row, row. She says tomorrow the road will be smoother. She should know with all the heartache she's born. When that door slams at last, she'll put pay to the past. Forward, renewed and reborn. Who hold my hand? Who's gonna guard the door? Who's gonna know my La croisière folk. To boldly go where no one has gone before. of my life have flown. as I look at the valleys down below. They are green just as far as I can see. As my memory turns, oh, how my heart does yearn for you and the days it used to be. To be high on a mountain, standing all alone, wondering where the years of my life have flown. Of me, or if time has blotted your memory, as I listen to the breeze whispering gently through the trees, I'll always cherish what you meant to me. Et voilà, la croisière folk est arrivée à bon port. Elle se termine pour aujourd'hui. Merci d'avoir fait partie du voyage. Merci d'avoir rêvé avec nous. On se quitte avec Benny Bleu et Buffalo Gals, extrait de l'album Banjo Jubilation qui célèbre les plaisirs simples de la ville, comme le chant de l'oiseau moqueur dans la chanson Say Darling Say, le verre d'eau fraîche dans Dead of John Henry et le rire des impostures dans Acres of Clams, un album d'air all time et marqué par des grooves de banjo joyeux accompagné par Mike Brown à la guitare. Il était enregistré à New York dans un chalet loué transformé en studio. Merci donc de votre fidélité, comme d'habitude. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures en musique folk. Bye bye. I'll be back. J'ai glissé, chef. Ah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Moi, je ne l'aime pas tellement. Il m'a toujours mise mal à l'aise. La croisière folk. Good vibration. Ooh.